Chapitre 25e. Eh bien, mon pauvre Saint-Chet, il faut nous dire adieu. Le bon garçon restait muet, l'air penaud, les yeux baissés, tout son être exprimant un immense découragement. « Voyons, dit Rose, secouez-vous un peu, montrez de l'énergie. Il ne s'agit pas de monter à l'échafaud pour que vous preniez cet air désespéré. On voit bien que cela ne vous fait rien, à vous, murmura Saint-Chet. C'est ce qui vous trompe, fit la jeune femme avec un mouvement d'ennui. « Cela me fait quelque chose. Je veux dire que vous ne m'aimez pas comme je vous aime. Cela, c'est possible. Voulez-vous une vérité, pour finir ? C'est que je n'ai jamais aimé personne, qu'une fois. » Saint-Chet écarquait les yeux. « Et ce n'était pas mon mari. » conclut Rose avec une sorte de satisfaction méchante. « Êtes-vous content à présent ?»« Je ne vois pas, » reprit la voix basse, « en quoi cela pourrait me consoler. » C'est que vous ne savez pas prendre votre chance où elle se trouve, riposta la jeune femme. À votre place, cela me consolerait. Le brave garçon n'était pas de cet avis, car il s'enfonça plus avant dans sa mélancolie, et Rose, pour le réveiller, lui frappa légèrement sur l'épaule. Au fond, Saint-Chet, dit-elle, c'est si peu une séparation. Mais vous dites vous-même qu'il ne faut plus nous voir. Évidemment, mais on se rencontre, et puis, au fond, tout au fond, vous dis-je, qu'est-ce que cela peut vous faire? C'était bon en Amérique, où nous étions isolés ensemble, où nous faisions à nous deux une petite patrie portative, mais ici, vous avez le boulevard, mon cher, et les chevaux, et les courses. Pas en cette saison, murmura machinalement Saint-Chet. Elles vont finir. Non? Eh bien, vous les aurez au printemps. En attendant, vous avez des boulevards. Vous dis-je, avec tout ce qui, de près ou de loin, leur appartient, et vous m'avouerez que la liste en serait longue. « Vous avez beaucoup d'esprit, Rose, » répondit l'honnête garçon, qui la regarda en face. « Mais vous ne m'aimez pas, et moi je vous aime, et voilà ce qui me fait de la peine. » Rose ne répondit pas tout de suite. « Quand je vous aimerai, mon ami, » dit-elle, « ce sera absolument la même chose, puisque les convenances exigent que je vive quelque temps sous le même toit que mon mari. » Elle avait parlé avec une sorte de sourire triomphant. Il la regarda d'un air de doute. S'il avait mieux connu les mystères du cœur humain, il se fut peut-être aperçu que la perspective en question n'offrait à la jeune femme rien de désagréable. Mais il n'était pas assez philosophe pour chercher à approfondir cette impression vague. « Adieu donc, mon bon Saint-Chet, » dit-elle en lui tendant la main. « Adieu, » fit-il avec regret. Il fit un faible mouvement vers la porte, puis s'arrêta, revint à elle et lui prit les deux mains. « Écoutez, Rose, » dit-il précipitamment, comme s'il avait honte de ses paroles. « Cette fantaisie ne durera pas. Votre mari et vous, vous allez être malheureux, comme les pierres. Dans 3 mois, oh, peut-être beaucoup moins que cela, peut-être 3 semaines ou 8 jours, je ne sais pas. Vous vous en irez, lasse de cette vie-là, qu'aujourd'hui vous avez l'air de trouver drôle. Je ne m'en vais pas, moi. Vous savez où me trouver, vous venez de le dire, sur le boulevard. Comme ami, Rose, si vous le préférez, comme ami. Je serai toujours là, c'est convenu, et vous n'aurez qu'à me faire signe. » Il lui lâcha les mains et sortit tout d'une pièce, sans se retourner, car il ne voulait pas pleurer devant elle. Mais quand il fut dans le corridor, il gagna sa chambre à grands pas, s'enferma et pleura jusqu'à ce qu'il eût mal aux yeux, après quoi, en effet, il gagna le boulevard.